Les microplastiques sont partout, nous l'avons déjà évoqué ici. Ils sont notamment dans les océans, plusieurs millions de tonnes s'y déversent chaque année. Ils sont ingérés par les organismes marins, puis reviennent dans nos assiettes, dans notre organisme, sont évacués dans l'eau et ainsi de suite. C'est le cycle contemporain de ces minuscules particules de plastique dont on a du mal à évaluer la toxicité réelle. Mais ce cycle oublie un secteur important. L'atmosphère. Une étude récente montre que ces microplastiques se déplacent par voie aérienne et polluent des sites quasi inaccessibles. C'est le thème de notre émission du jour. Il y a du plastique dans l'air, c'est le programme polluant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre comment ces minuscules particules de plastique sont transportées jusqu'au sommet inaccessible des montagnes et quel est leur cycle de voyage, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Gaël Leroux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biogéochimiste, directeur de recherche CNRS au laboratoire d'écologie fonctionnelle et environnement de Toulouse. Et nous sommes également en ligne avec Jeroen Sonke. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS en géochimie de l'environnement. Vous êtes tous deux co-auteurs de l'étude publiée en décembre dans Nature Communications sur la présence de microplastiques atmosphériques au sommet du pic du Midi. Nous y revenons dans un instant. Mais avant que vous ne nous en disiez plus sur cette étude, plein d'autres études toutes fraîches dans le Journal des Sciences avec Natacha Trioux. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec les résultats de l'enquête Epiphar qui confirme une fois de plus que les vaccins à ARN messager sont sûrs. Epiphar, c'est la structure scientifique pilotée par l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, et par la CNAM, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Alors, il s'agit d'une vaste étude sur plus de 46 millions de Français âgés de 18 à 74 ans qui inclut toutes les personnes hospitalisées entre décembre 2020 et juillet 2021 à la suite d'un événement cardiovasculaire sévère, c'est-à-dire infarctus du myocarde, AVC ou embolie pulmonaire. L'objectif de cette étude, c'était d'évaluer les risques de ces événements cardiovasculaires graves suite aux différents vaccins contre le Covid-19 chez les adultes 3 semaines après la première et deuxième dose. Alors, de nombreuses études internationales ont déjà obtenu des résultats similaires. Avec les vaccins à ARN messager, il n'y a aucun sur-risque cardiovasculaire à la fois chez les personnes âgées de plus de 75 ans et chez l'ensemble des adultes de 18 à 75 ans. Rosemary Drespira est médecin épidémiologiste et directrice adjointe d'Epiphar. Elle a supervisé cette étude. Dans cette tranche de la population âgée de moins de 75 ans, on n'observe pas d'association entre l'exposition au vaccin à ARN messager et le risque d'événements cardiovasculaires graves, en sachant qu'on a mesuré ce risque dans les 3 semaines qui suivent la première dose et la deuxième dose de chacun de ces deux vaccins à ARN messager. Donc pas d'association mise en évidence. Ce que ça veut dire, c'est que la fréquence de survenue de ce type d'événement, qui peut survenir tout à fait en dehors d'une période de vaccination, et bien la fréquence de survenue, elle est comparable dans les 3 semaines qui suivent la vaccination, quand on compare avec ce qui se passe avant la vaccination ou après les 3 semaines qui suivent immédiatement la vaccination. Donc ça, c'est un résultat qui est majeur pour nous parce que ça conforte l'état des connaissances scientifiques sur la sécurité des vaccins à ARN messager par rapport à ce type d'événement cardiovasculaire grave. Maintenant, pour ce qui concerne les vaccins à base d'adénovirus, là, on a observé une augmentation modérée du risque de certains événements cardiovasculaires. Après le vaccin de Janssen, et après le vaccin de Janssen, on en constate une légère augmentation du risque d'infarctus du myocarde. Et également, après le vaccin d'AstraZeneca, pour lequel on observe là une légère augmentation du risque d'infarctus du myocarde et du risque d'embolie pulmonaire dans les 3 semaines qui suivent la première dose du vaccin d'AstraZeneca. Dans cette étude, on n'a pas du tout, nous, quantifié le risque lié à la maladie. Mais c'est quelque chose qu'on sait en effet par le biais d'autres études, c'est-à-dire que le Covid expose à une forte augmentation du risque d'avoir certains événements cardiovasculaires et thromboemboliques graves notamment des accidents vasculaires cérébraux, des embolies pulmonaires. C'est quelque chose qui a été beaucoup rapporté et en effet, l'ampleur de cette augmentation du risque liée à la maladie est bien supérieure à ce qu'on peut observer dans notre étude pour le risque associé au vaccin à adénovirus. Et vous pouvez retrouver cette étude ainsi que toutes celles dont il sera question au cours de cette heure d'émission, comme chaque jour, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Pollution environnementale, la pollution de l'air a un impact aussi grave que les pesticides sur les pollinisateurs. Et les polluants atmosphériques classiques comme les oxydes d'azote et l'ozone qui sortent des pots d'échappement peuvent camoufler les odeurs des fleurs. Or, on sait aussi que c'est ce parfum qui permet aux pollinisateurs de s'orienter pour butiner. Alors, pendant 3 ans, une équipe britannique a mené une expérience dans plusieurs champs. Un champ dans lequel ces 2 polluants ont été diffusés et des champs témoins sans pollution. Il se trouve que la pollution de l'air a fait chuter drastiquement le nombre d'abeilles et de papillons. Une baisse de 70% par rapport aux champs témoins. Alors pourtant, les niveaux de pollution atmosphérique appliqués dans cette expérience sont considérés comme modérés et équivalents à ceux que l'on mesure au bord des routes. Selon une étude parue dans la revue Epigenomique, le traumatisme du génocide rwandais a laissé des traces dans le génome des survivants. Et c'est la première étude qui s'intéresse aux conséquences génétiques du génocide des Tutsis, où en 1994, environ 1 million de personnes ont été massacrées en 100 jours. Alors cette équipe américano-rwandaise a étudié l'épigénome de femmes d'ethnie Tutsi, de celles qui ont été exposées à la terreur du génocide et de celles qui ont vécu à l'étranger. Chez les femmes exposées, on découvre une méthylation de l'ADN élevée. Ces modifications chimiques de l'ADN ont été transmises chez leurs enfants, qui étaient fœtus au moment du génocide. Selon les auteurs, cela pourrait expliquer en partie pourquoi au Rwanda, des décennies plus tard, on compte un très grand nombre de troubles de la santé mentale. Et enfin, dans la revue PNAS, une nouvelle modélisation confirme qu'il y a eu non seulement de l'eau sur Mars, mais aussi un océan liquide. Des chercheurs français ont modélisé le climat qui régnait sur Mars il y a 3 milliards d'années. Ils ont pris en compte plusieurs facteurs. Le faible ensoleillement qu'il y avait à l'époque, la composition gazeuse atmosphérique, ainsi qu'une circulation océanique et des glaciers. Alors, selon leur modèle, Mars aurait pu être un monde glacial et humide, avec une température moyenne en dessous de 0 degré, mais avec un océan qui ne gèle pas. Grâce au courant océanique qui ramène de l'eau chaude vers les pôles, l'océan polaire aurait pu rester liquide. De plus, cette hypothèse d'une planète Mars froide et humide correspond aux indices géologiques que l'on observe aujourd'hui. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. L'Anthropocène est un plasticocène, l'une des marques que notre civilisation contemporaine laissera de façon indiscutable pour les générations futures, est une marque géologique. C'est le plastique. Nos successeurs, quels qu'ils soient dans des centaines de milliers d'années, verront sur les strates géologiques les dépôts de plastique que nous avons produits et que nous continuons de produire abondamment. Nous avons commencé à en produire il y a un peu plus d'un siècle et de façon industrielle et exponentielle depuis la moitié du siècle précédent. Et ce plastique est littéralement partout. Il se dépose sur les terres, sur l'océan bien sûr, sur les planchers océaniques, et jusque sur le sommet des montagnes. Les études s'accumulent depuis quelques années pour montrer que les microplastiques atteignent même les endroits les plus reculés, comme en témoigne ce reportage de France 3 Occitanie. Nous sommes en juillet 2019. L'endroit est bucolique, propice aux randonnées. Mais ces 2 scientifiques ne sont pas là pour flâner, ils traquent le plastique dans les eaux de pluie. Il n'est pas plein, il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a quand même pas mal, à mon avis, la pluie il y a plutôt 1 ou 2 semaines. Dans cette station météorologique nichée à 1400 mètres d'altitude, des chercheurs ont prélevé les eaux de pluie et de neige durant 5 mois. Le résultat est sans appel. Cette intensité de la pollution est identique à celle qu'on peut retrouver dans des villes comme Paris ou des grandes cités chinoises. Et cette intensité-là, similaire dans des régions très éloignées des sources de pollution, des endroits plutôt géographiquement éloignés des grandes villes, nous montre que les microplastiques peuvent être transportés dans l'air et peuvent atteindre les régions les plus éloignées du globe. 365 particules de plastique par mètre carré et par jour, un chiffre inquiétant pour cet endroit, a priori vierge de toute pollution. On savait qu'on allait sûrement retrouver des microplastiques, mais de là à retrouver une intensité aussi forte de microplastiques, en particulier en hiver, ça a été vraiment une grande surprise. Dans ce laboratoire toulousain, des scientifiques français et écossais ont uni leurs forces pour analyser des échantillons. Leur conclusion, même au fin fond des Pyrénées, nous respirons ces particules invisibles à l'œil nu. Là, vous avez une fibre microplastique Vous avez ici l'échelle, c'est 50 micromètres, donc c'est très fin, c'est beaucoup plus fin qu'un cheveu. Cette fibre-là, bah, c'est typiquement le type de plastique qui peut être inhalé par l'homme ou par les animaux et qui peut ensuite atterrir dans les poumons. Voilà un reportage, j'imagine, qui vous rappelle des souvenirs, Gaël Leroux. Oui, effectivement. Parce que c'est vous qu'on entend, il faut le préciser. Oui, c'est moi, oui. Voilà. Un mot peut-être justement sur cette première étude qui date de 2019, dont vous êtes le co-auteur, que vous avez publié dans Nature Geoscience. On découvrait, ou il était plutôt, vous confirmiez à l'époque, que l'on trouvait donc des microplastiques, même loin de la civilisation, en l'occurrence au sommet des Pyrénées, en Ariège, c'est ce que l'on vient d'entendre. Oui, effectivement. Alors, l'intérêt de cette étude, c'est qu'on quantifiait réellement le dépôt de microplastiques. Donc, les microplastiques, ce sont des plastiques qui sont inférieurs au millimètre. Et là, on était sur une gamme de la taille de la dizaine à la centaine de micromètres. Et pour la première fois, on quantifiait réellement le dépôt, c'est-à-dire le nombre de plastiques qui se déposaient par mètre carré par jour. On était autour de 300 particules par mètre carré par jour. D'autres études par d'autres collègues à l'étranger avaient déjà montré qu'on en trouvait dans la neige, par exemple, dans l'Arctique, mais ils n'avaient pas pu quantifier le dépôt. Et là, on arrivait à quantifier le dépôt réellement, parce qu'on a une station météo. Et les dépôts étaient aussi importants que ceux qu'on pouvait retrouver en ville, qui avaient été caractérisés, par exemple, par des collègues parisiens. On en avait d'ailleurs, on s'en était fait l'écho dans le journal des sciences, dans l'émission. À l'époque, on parlait de pluie de plastique. C'est-à-dire que vous mettiez en valeur le fait qu'il pouvait neiger du plastique sur les sommets montagneux, en l'occurrence dans les Pyrénées en Ariège. Oui, c'est ce qui nous avait vraiment surpris, c'est que ces plastiques s'étaient déposés sur une période hivernale, une période où le paysage est couvert de neige. Ce qui nous avait amené à émettre l'hypothèse que les plastiques venaient de loin, et ce qu'on avait déjà pu, on va dire, suggérer grâce à des modélisations atmosphériques. Et alors du coup, une autre publication avec vous, Jeroen Sanke, dans Nature Communication au mois de décembre. Quelle est la différence majeure entre ces deux études? Qu'est-ce que vous apportez comme élément de connaissance supplémentaire dans cette nouvelle étude? Oui, donc dans la nouvelle étude, nous sommes allés chercher beaucoup plus haut, au pic du Midi, à presque 3000 mètres d'altitude dans les Pyrénées. Et on est allé chercher plus haut pour mieux comprendre jusqu'à quelle distance les microplastiques dans l'atmosphère peuvent voyager. Dans la première étude de mon collègue, c'était plutôt des microplastiques d'une origine régionale. Et là, au pic du Midi, nous avons détecté des microplastiques beaucoup plus petits, d'une taille entre surtout 3 et 20 micromètres, vraiment des particules fines. Et de nouveau, en utilisant des modèles mathématiques, on a estimé et on a observé que ces microplastiques peuvent venir de très loin et même de voyager de façon intercontinentale. On va essayer de comprendre justement comment cette étude permet de compléter un peu et de décrire quelque chose qui, je dois dire, quand on s'y penche, est assez effrayant, c'est-à-dire un véritable cycle des microplastiques entre l'atmosphère, l'océan et les organismes vivants. C'est le thème donc de cette émission du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc des microplastiques atmosphériques en compagnie de Gaël Leroux et Jeroen Sanke. Peut-être, Jeroen Sanke, un mot justement de définition sur microplastique, macroplastique, nanoplastique. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une échelle de ce que vous recherchez, de la distinction que vous faites entre ces différentes catégories? Oui, c'est un point très important. Donc, les microplastiques sont définis d'avoir une taille entre 1 millième de millimètre et 5 mm. Au-delà de 5 mm, les bouteilles en plastique, on parle des macroplastiques. Et si on va en dessous le millième de millimètre, on parle des nanoplastiques. Après, les particules fines, là où nous, on a fait nos mesures, on parle d'environ 1 à 10 micromètres. Est-ce qu'on a par exemple 1 à 10 micromètres? C'est toujours très difficile de se représenter exactement à quoi ça correspond. Gaël Leroux, si on devait le comparer à quelque chose pour donner une idée à nos auditrices, à nos auditeurs de ce à quoi ça ressemble, enfin ce à quoi on peut le comparer en termes de taille, c'est quoi par exemple? Gaël Leroux? Vous m'entendez ? Oui. Ce qui est assez frappant avec les microplastiques, c'est que on peut avoir une idée des plus gros microplastiques. Hein, c'est ceux qui ont une taille du millimètre. Et donc typiquement, si vos auditeurs frottent leurs mains ou un Kleenex contre leurs vêtements, la plupart de nos vêtements sont en fibres synthétiques. Hein, vous allez récupérer des fibres qui sont plus fines qu'un cheveu. Et ça, c'est les plus gros des microplastiques qu'on peut observer dans l'air. Hein. Ce sont des fibres synthétiques. Là, je suis en train de le faire moi en direct. Et quand vous frottez, typiquement des chaussettes, par exemple, hein, les chaussettes, vous voyez, ou ce que vous récupérez de votre sèche-linge ou de votre machine à laver, ce sont les fibres les plus épaisses qu'on peut observer. Et nous, on va descendre un peu plus bas dans l'invisible. Et là, quand on est autour de la dizaine de micromètres, ça, c'est des choses qu'on peut pas voir à l'œil nu. Mais les plus grosses fibres qu'on voit, les plus grosses particules qu'on voit, on arrive à les déceler déjà à l'œil nu. Mais les plus fines, on n'arrive pas à les voir. Il faut utiliser des moyens microscopiques. Donc, on est plus fin qu'un cheveu et même plus fin que donc ces fameuses fibres que vous allez pouvoir frotter, que vous allez pouvoir obtenir en frottant vos vêtements. Et on discutera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission de ce que l'on peut dire, parce qu'on ne peut pas forcément dire encore grand-chose, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus, mais sur la toxicité et sur la façon dont ces particules extrêmement fines peuvent passer à l'intérieur de nos organismes. Peut-être, est-ce que vous disposez de chiffres sur la quantité de ces particules microplastiques qui sont émises chaque année ? On a des estimations, parce que là aussi, c'est, j'imagine, très difficile. Il faut à partir de modèles algorithmiques. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Gaël Leroux ? Alors, depuis notre étude dans les Pyrénées, en quantifiant les dépôts, les dépôts ont été quantifiés aussi à l'échelle de l'Ouest américain, et les collègues ont pu extrapoler, comme vous le dites, la quantité. Donc, on est en milliers de tonnes de plastique dans l'atmosphère, dans ce qu'on appelle la couche limite, donc la couche où on vit. Et puis, si on extrapole avec notre étude dans le Pic du Midi, on est au millier de tonnes aussi. Donc, on est enrichi en plastique. Et ce qui est au millier de tonnes par quoi ? Par mètre cube ? Non, peut-être pas. Globalement. Globalement, c'est à l'échelle de la planète. On a à peu près, par exemple, 2000 tonnes de plastique qui survolent l'Ouest américain. Ok. Donc, si vous extrapolez à la surface de la planète Terre, vous êtes sur des dizaines, voire des centaines de milliers de tonnes. Et puis, par contre, sur la haute atmosphère, celle qu'on a caractérisée au Pic du Midi, on est à des quantités bien plus faibles, hein, un facteur 10 à 100 fois plus faible. Mais on est quand même sur des tonnes de plastique. Et ça, c'est pas négligeable. Par contre, par rapport au cycle du plastique et à la production de déchets plastiques annuels, on est à des facteurs bien plus faibles, 10, 100 fois, 1000 fois moins. Mais le cycle du plastique est là et le cycle atmosphérique du plastique est là. Alors justement, Jeroen Sonke, parlez-nous plus précisément de votre étude. Quel est le protocole que vous utilisez ? Quelles sont les conclusions auxquelles vous arrivez ? Racontez-nous un peu exactement comment vous avez procédé. Oui, donc nous sommes basés à Toulouse, à l'Observatoire Midi-Pyrénées. Le Pic du Midi se trouve à 3 heures de route et donc régulièrement, on y va en voiture, on monte en téléphérique et au Pic du Midi, il y a quelques années, on a installé une grosse pompe, un aspirateur qui pompe dans le 1 mètre cube par minute. Donc quand on fait tourner cette pompe et on filtre les particules dans l'air sur un filtre, dans une semaine, on amasse à peu près 10 000 mètres cubes d'air qui passe à travers le filtre et ça va laisser quelques milliers, dizaines de milliers de particules sur le filtre. Donc ce filtre, on l'amène au laboratoire à Toulouse et également avec des collaborateurs anglais, on a envoyé des bouts en Angleterre où ils ont fait l'étude microscopique et où ils ont donc identifié les différentes polymères, les différentes microplastiques sur ces filtres du Pic du Midi. Et alors du coup, vos conclusions, parce que vous aviez vraiment besoin d'être à une altitude assez élevée, vous dites un microplastique toutes les 4 mètres cubes d'air, ça n'a pas l'air beaucoup dit comme ça. Non, c'est tout à fait vrai. C'est un peu symbolique dans ce sens-là. Dans le même mètre cube où on trouve à peine un microplastique, il y a également 1000 autres microparticules de la même taille, d'une origine divers. Il y a du sable du Sahara, il peut y avoir des particules de carbone suie qui viennent des éco-buvages ou encore des vallées. Donc, on a cherché les lits dans la botte de foin. Néanmoins, on met en évidence la présence dans la haute atmosphère des microplastiques. On peut estimer, on peut extrapoler la quantité qu'il doit y avoir dans la haute atmosphère. Donc, on parle des fameux 2000 tonnes. C'est quand même bien, c'est le volume ou le poids d'une piscine olympique qui est éparpillée à travers notre planète dans la haute atmosphère. Et donc ensuite, ce qui est important, c'est avec des collègues qui sont spécialistes dans des modèles météorologiques, on a regardé finement d'où viennent les microplastiques qu'on a détectés au pic du midi. Donc il faut imaginer, normalement, ces modèles sont utilisés pour prévoir la météo, pour faire un calcul mathématique en avant, qu'est-ce qu'est le vent il y a une semaine, et ces modèles, on peut les tourner à l'envers pour calculer d'où vient le vent qui a amené les microplastiques au pic du midi. Et là, tout d'un coup, on se réalise et on voit que l'air qu'on a mesuré au pic provient de l'Afrique, de l'océan Atlantique ou encore de l'Amérique du Nord. Et ça met réellement en évidence donc un transport intercontinental. Ça permet finalement de mieux comprendre pourquoi on en trouve aussi au Mont Blanc, au Mont Everest, dans les milieux polaires, etc. Donc on met en lumière ce véritable cycle atmosphérique des microplastiques. Et on va le décrire dans un instant, ce cycle atmosphérique et puis ce cycle, cet écosystème quasiment de microplastiques à l'échelle planétaire. Peut-être un mot avant, Gaël Leroux, pour décrire exactement ces plastiques. De quel plastique parle-t-on ? Ils viennent d'où ? Est-ce que vous pouvez en retracer l'origine ? Alors c'est assez compliqué à retracer l'origine. On peut en tracer, on peut déterminer leur composition. Donc beaucoup de ces plastiques et la répartition de ces plastiques, ce sont des polyéthylènes, des polystyrènes. Donc ce sont des plastiques qui sont par exemple utilisés dans la consommation courante pour les plastiques à usage unique, mais aussi en agriculture. Donc ça, c'est le principal résultat que nous avons et que nos collègues ont, c'est qu'on généralement la distribution, la composition des plastiques qu'on retrouve dans l'air est représentative des plastiques que l'on consomme et en particulier de ces plastiques à usage unique. Un point important toutefois, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à déterminer les plastiques qui vont être sombres, les plastiques noirs, du fait de nos techniques de microscopie. Et ça, c'est des plastiques et des polymères, des composés synthétiques qui peuvent venir d'une source très très importante de plastique qui est le trafic automobile, oui. En particulier les pneus. Et ça, c'est une des grandes inconnues. Parce que vraisemblablement, d'après les modèles, et pas forcément d'après les observations, c'est une des sources principales de plastique dans l'atmosphère. Ce sont ces particules qui sont souvent obscures, noires, et qui sont donc difficiles à identifier au microscope. Oui, ces particules fines qui sont l'une des sources principales d'ailleurs de micropolluants atmosphériques dans les milieux urbains. Il y a donc ces plastiques à usage unique, vous l'avez dit, hein, polyéthylène, polystyrène, polypropylène. Et puis une partie, vous l'avez également dit tout à l'heure, Gaël Leroux, de ces microplastiques atmosphériques sont non pas des petits morceaux, mais des fibres. Ce sont des fibres textiles. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez pu contacter un chercheur qui s'intéresse justement à la dissémination de ces fibres microplastiques. Oui, il s'agit de Rachid Driss, qui est maître de conférence à l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne et qui est chercheur au laboratoire Eau, Environnement, Systèmes Urbains, le LESU. Avec son équipe, Rachid Driss a effectué des relevés de microplastiques issus de fibres textiles dans l'air ambiant, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur ou à l'intérieur. Ils ont ainsi pu montrer que nous sommes plus exposés à ce type de microplastiques dans des espaces clos, comme les maisons ou les bureaux. À présent, d'autres travaux vont devoir être menés pour identifier d'autres expositions, notamment aux nanoplastiques, qui, comme leur nom l'indique, sont plus petits que les microplastiques et donc plus compliqués à déceler. Alors, vu que nous, dans notre laboratoire, on s'intéressait essentiellement aux sources de ces plastiques-là, on a voulu savoir si l'air représentait un apport en microplastiques vis-à-vis des milieux récepteurs. Et donc, la première chose à laquelle on s'est intéressé, ce sont les retombées atmosphériques. C'est-à-dire qu'on a placé un préleveur sur le toit de l'université Paris-Est-Créteil et de l'école des Ponts Paris-Tech pour collecter tout ce qui retombe de l'atmosphère, tout ce qui retombe du ciel. Et c'est là-dedans qu'on a retrouvé des grandes quantités de microplastiques. Pour le prélèvement des microplastiques dans les retombées atmosphériques, c'est pas très compliqué. On va prendre un entonnoir métallique qu'on va placer sur le toit d'un bâtiment et qu'on va laisser pendant plusieurs jours, pendant une semaine, pendant 15 jours, collecter tout ce qui retombe de l'air. Par la suite, on va venir, on va rincer l'entonnoir, on va récupérer tout ce qui s'est déposé au niveau de cet entonnoir dans une bouteille en verre qu'on va emmener au laboratoire. Et là-dedans, on va faire des étapes de traitement qui vont permettre d'éliminer tout ce qui n'est pas plastique. Ça va permettre d'isoler les plastiques des particules naturelles ou minérales. Et à la fin, on va faire une analyse donc par spectroscopie infrarouge qui va nous permettre de comptabiliser les particules qui se trouvent dans les échantillons. Si on en vient maintenant à ces échantillons-là, à quel grand résultat vous êtes parvenu concernant la présence de microplastiques dans l'air à l'endroit où vous vous situez, donc à Créteil? Alors, ce qu'on a retrouvé au début, c'était surtout la présence de grandes quantités de fibres textiles. Donc, parmi elles, il y a des fibres naturelles, hein, faites de coton, de laine. 70% des fibres retrouvées sont d'origine naturelle. Mais il y a aussi des fibres de matériel plastique, tels que le polyester ou le polyamide. Donc sur une surface de 1 mètre carré, on retrouve jusqu'à 300 à 400 particules par jour, ce qui sont des quantités qui semblent assez élevées. La présence de microplastiques d'origine textile dans l'air provient tout simplement des vêtements qu'on porte et des mobiliers de maison. Donc il va y avoir tout simplement une abrasion des vêtements qui va faire qu'il y a des fibres qui vont se détacher et qui vont se retrouver dans l'air. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu ces microplastiques-là? Quelles sont leurs dimensions, par exemple? Quelle est leur spécificité qui fait que tout de suite, vous pouvez vous dire « Ah ben ça, c'est une microfibre de plastique d'origine textile ». On va avoir plusieurs critères pour reconnaître ces fibres-là. Alors, déjà, il y a le fait qu'elles ont des couleurs qui ne sont pas forcément des couleurs naturelles, qui sont des couleurs synthétiques, qui démontrent qu'elles sont d'origine humaine. Par la suite, elles vont avoir des tailles très spécifiques. En général, leur diamètre va faire de 20 à 50 micromètres. Ça, c'est le diamètre. Et puis, pour leur longueur, ça va être de 50 micromètres jusqu'à 5 millimètres. Ça va être souvent des fibres plutôt flexibles, hein, comme toute fibre textile. Par la suite, on va venir confirmer leur nature à l'aide d'une méthode de spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier, qui va nous montrer le signal de ces fibres-là pour savoir de quel polymère il s'agit. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir identifier de quoi sont composées ces fibres-là. Vous avez étudié donc l'air extérieur. Je crois qu'aussi vous vous êtes intéressé à l'air intérieur et à la présence de microplastiques dans l'air intérieur. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de ces travaux-là et est-ce qu'il y a de grandes différences finalement entre l'air qu'on respire chez nous et l'air qu'on respire quand on est dehors? Alors, il y a des grandes différences. Ce que nous avons fait à ce niveau-là, c'est pomper de l'air pour savoir c'est quoi les concentrations, c'est quoi les niveaux de fibres plastiques dans ces terres-là. Et on a retrouvé jusqu'à 60 fibres par mètre cube dans l'air intérieur. Donc, c'était soit des bureaux, soit des logements. Alors qu'en air extérieur, on retrouvait des concentrations plus faibles, moins de une fibre par mètre cube. Ceci indique qu'on est plus exposé à cette pollution quand on est à l'intérieur, du fait des proximités des sources. C'est là qu'il va y avoir le mobilier, c'est là qu'il va y avoir les vêtements qui vont relarguer ces fibres textiles. Et parce qu'on est dans un environnement qui est plus confiné, moins dilué, et là c'est pareil, ça va faire en sorte que les niveaux d'exposition sont plus élevés. Du point de vue de la santé, quel est l'effet de ces fibres et de ces microplastiques-là qu'on va ingérer bien malgré nous, qu'on soit chez nous ou bien dehors? Alors, l'humain est exposé à plusieurs polluants particulaires ou gazeux dans l'air, et les microplastiques ne sont qu'une fraction de cette pollution qui est encore mal quantifiée. De nos jours, il est compliqué de dire avec certitude quel est le rôle exact de cette fraction sur la santé. Ce que l'on peut dire, ce qu'on sait, c'est qu'il existe probablement des microplastiques très petits, voire des nanoplastiques, qui eux sont inhalables, et donc qui vont aller se retrouver dans les poumons. De plus, on va aussi les ingérer parce qu'ils vont se retrouver dans nos assiettes, on va les manger. Donc, on est exposé à ces plastiques-là. Par contre, quel effet ça va avoir? Ça, j'irai pas encore me prononcer dessus. Vous évoquiez cette notion de nanoplastique. Est-ce que vous avez des méthodes aujourd'hui de suivi et d'échantillonnage de ces nanoplastiques dans l'air? Pour les nanoplastiques, c'est quelque chose sur laquelle il y a plusieurs scientifiques qui travaillent dessus pour essayer de détecter, de quantifier ces petites particules, mais de nos jours, il n'existe pas encore de méthodes fiables qui permettent de les suivre réellement, et ça fait partie un peu aussi de la problématique, du danger de la chose, c'est qu'on sait qu'il y a cette pollution, cette partie de la pollution qui est encore invisible, et qu'on va réussir à mettre en évidence encore plus à l'avenir avec l'évolution des méthodes. Voilà, ces fibres textiles, une part importante des microplastiques partout à la surface du globe, et notamment des microplastiques atmosphériques. Une réaction à ce reportage, Jérôme Sonke? Oui, c'est très intéressant. Il y a des études qui ont fait un bilan de l'exposition humaine aux microplastiques. Et ces études estiment que par voie de respiration, on ingère 100 000 microplastiques par an dans nos poumons. Et à travers notre régime... Pour le téléphone, appelez l'annuaire express SFR. Alors, pardon, excusez-moi. Allô, Jérôme Sonke, vous êtes toujours là? Oui, voilà, ouais, excusez-moi, il y a eu une petite interférence téléphonique. On vous écoute, reprenez. Je continue, donc par respiration et inhalation, on met 100 000 microplastiques par an dans nos poumons. Et ensuite, par ingestion, donc par la consommation d'eau minérale, eau de robinet, le sel, les fruits de mer, poissons, etc., on parlait de 52 000 microplastiques par an qui vont transiter dans notre intestin. Une toute petite partie de ces microplastiques vont réellement pénétrer dans notre corps, dans le sang. C'est moins de 1%, mais néanmoins, c'est une voie d'exposition préoccupante. On reviendra tout à l'heure en deuxième partie sur ce que l'on peut dire justement de la toxicité biologique pour nos organismes, pour les organismes vivants de ces microplastiques. Gaëlle Leroux, un mot sur ces fibres textiles. Vous pouvez les quantifier, la part de fibres textiles dans les microplastiques atmosphériques que vous avez identifiés dans votre étude? Oui, on peut quantifier la part des fibres. C'est dans le cadre de la neige à Bernadouze, c'est une part non négligeable sur à peu près 300 particules par mètre carré par jour. Comme je vous le disais, il y en a à peu près une cinquantaine qui sont des fibres. Mmh. Ce qui montre d'ailleurs qu'il y a potentiellement une part due au tourisme, voire aux chercheurs avec leurs propres fibres. On essaie d'éviter au maximum la contamination par nos propres vêtements. On porte du coton, etc. On n'est pas à l'abri d'apporter nous-mêmes des fibres sur ces écosystèmes. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des études à très haute altitude, par exemple dans l'Everest, et l'étude qui portait sur les microplastiques dans l'Everest a montré principalement que c'était des fibres qui étaient apportées par les grimpeurs. Donc on va dire que plus on s'approche des milieux urbains, voire des milieux intérieurs, comme Rachid Driss le précisait, plus on risque de retrouver des fibres qui sont vraiment caractéristiques, on va dire, de l'influence locale sur la pollution aux microplastiques atmosphériques. On va continuer à s'intéresser à ces microplastiques atmosphériques et on va surtout essayer de décrire leur cycle, puisque encore une fois, l'étude que vous venez de produire complète les études précédentes qui décrivaient déjà les cycles notamment terrestres et océaniques via la transition par les organismes biologiques dont nous faisons partie. On va essayer de mettre en place toutes les pièces du puzzle pour comprendre comment circulent ces microplastiques à l'échelle du globe. Can't think of anything. The Air That I Breathe de The Hollies à 16h35 sur France Culture. Nous parlons de l'air que nous respirons et il est chargé de microplastiques microscopiques invisibles. Nous en parlons avec Gaël Leroux qui est biogéochimiste, directeur de recherche CNRS au laboratoire d'écologie fonctionnelle et environnement de Toulouse, et Jeroen Sonke, directeur de recherche CNRS en géochimie de l'environnement, tous deux auteurs d'une étude qui décrit ces microplastiques atmosphériques au pic d'humidité dans les Pyrénées. Mais comme tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Charlotte Lefebvre. Bonjour. Bonjour à tous. Vous travaillez sur la caractérisation, la dégradation et l'impact des microplastiques en milieu marin sur une étude pilote sur le bassin d'Arcachon. Bienvenue à la recherche montre en main. On vous écoute. Merci de m'accueillir dans votre émission, tout d'abord. Alors, mon projet de recherche doctorale se fait à l'Université de Bordeaux et comme vous l'avez mentionné, il porte sur la contamination par les microplastiques en milieu marin et en particulier dans le bassin d'Arcachon. Comme explicité par vos intervenants plus tôt dans l'émission, les microplastiques sont définis principalement par leur taille, c'est-à-dire des plastiques mesurant moins de 5 mm, à savoir au maximum la taille d'un grain de riz. Au départ, la définition est donc relativement simple. Mais en termes morphologiques, il faut savoir que ces microplastiques peuvent aussi se présenter sous différentes formes, des fragments, des fibres, des films, des mousses ou encore sous forme de granulés, et ils peuvent être de toutes les couleurs. En termes de composition chimique, ils sont aussi faits de différents matériaux plastiques, les plus utilisés étant le polyéthylène et le polypropylène, pardon, mais on peut citer aussi le polytéréphthalate d'éthylène. Enfin, ces matériaux peuvent contenir différents additifs en fonction des utilisations ou des besoins. C'est donc un objet d'étude plus complexe qu'il n'y paraît. Et comme évoqué plus tôt, ces microplastiques, ils ont été détectés partout en milieu marin, donc depuis la surface de l'eau jusqu'au fond des océans, depuis les côtes jusqu'au large, et ils ont aussi été détectés dans de nombreux organismes marins. Certaines estimations indiquent que 51 trillions de microplastiques flottent uniquement à la surface des océans. 51 trillions, c'est un chiffre à 12 zéros pour mieux se rendre compte. Dans ce contexte, l'objectif de ce doctorat, c'est de faire un état des lieux de la contamination au sein du bassin d'Arcachon, qui est une zone où on retrouve de multiples activités humaines. Cette contamination est décrite à la fois sur le plan qualitatif, quelle forme, quelle couleur, quelle nature chimique, mais aussi sur le plan quantitatif, à quelle concentration les microplastiques sont présents. Dans la première étude qui est menée à l'échelle mensuelle, nous décrivons l'échouage des microplastiques sur les plages via le processus de marée. La marée, c'est un phénomène de variation du niveau de l'eau qui se répète deux fois par jour sur les côtes atlantiques françaises. L'échouage décrit était composé pour moitié de granulés industriels, que l'on appelle parfois l'arme de sirène. Et ces granulés, c'est le matériel de base qui est utilisé ensuite en industrie pour la production d'objets en plastique. Ils sont donc parvenus dans le milieu marin avant même d'être transformés en un objet utilisable et utilisé. En moyenne, au cours des 12 mois de l'année 2019 et sur les 3 sites étudiés, l'échouage était de 13 microplastiques par mètre carré, et le maximum était de 113 microplastiques par mètre carré sur un de nos sites d'études en hiver. En parallèle, nous avons étudié l'implication de certaines variables environnementales sur ces échouages, comme la direction et la force du vent, ou encore la hauteur des vagues. Et ces facteurs, ils nous ont permis d'expliquer une partie de la dynamique temporelle, avec notamment des échouages en microplastiques qui sont plus importants lors de périodes où à la fois le vent souffle fort et en direction des terres, et que l'on enregistre de plus grandes hauteurs de vagues. À l'inverse, des périodes plus calmes sont synonymes de faibles quantités de microplastiques échouées sur les plages étudiées. La deuxième partie de cette étude porte sur une description à l'échelle de la saison et non plus du mois. Par contre, elle prend en compte plus d'échantillons différents, à savoir l'eau de surface, la colonne d'eau, c'est l'eau comprise entre la surface et le fond, des sédiments, notamment du sable de plage, et nous décrivons aussi l'ingestion de différentes espèces. L'objectif, c'est de connaître la distribution spatiale de la contamination, étant donné que nous prélevons à différents endroits du bassin, à l'extérieur en zone côtière, à l'embouchure, mais aussi à l'intérieur du bassin. Avec notre approche écosystémique, l'idée c'est aussi d'esquisser une représentation de la distribution verticale des microplastiques au vu des différents types d'échantillons prélevés à différentes strates. Comme ces prélèvements sont répétés à chaque saison, le dernier objectif de cette thèse c'est aussi d'étudier si cette contamination microplastique présente des variations saisonnières. Alors les premières analyses montrent une présence non négligeable de ces fameuses fibres, et ce, dans tous les compartiments étudiés. Et on a une partie qui est composée de polymères dits plastiques, mais une fraction assez importante est aussi composée de cellulose provenant par exemple de coton ou de viscose et qui ont été générées, comme déjà dit, par la dégradation de nos textiles. Mmh. Pour avoir une description complète, il faut encore patienter puisque ce sont des analyses toujours en cours. Mais ces résultats permettront de mieux comprendre la distribution des microplastiques d'une lagune fortement influencée par les marées et soumise à de nombreuses activités humaines. Merci beaucoup Charlotte Lefebvre pour cette présentation. On ne peut plus clair. Une réaction peut-être Gaëlle Leroux, Jeroen Sonke à ces travaux et plus généralement finalement au lien qu'il peut y avoir entre les travaux sur les microplastiques océaniques et vos travaux sur les microplastiques atmosphériques. Jeroen Sonke pour commencer. Oui, donc ces études marines sont très intéressantes. C'est une de nos motivations, justement, de fouiller dans l'atmosphère. Je vais essayer de vous expliquer ça. Sur la quantité, l'ensemble des polymères, des plastiques produits depuis les années 50, on en a perdu à peu près 2/3. Il y a 1/3 qui est toujours en utilisation. 2/3 ont terminé pour une partie dans les décharges, pour une partie dans le milieu urbain, les sols, aussi le milieu aquatique terrestre. Et c'est là où les rivières, finalement, portent une certaine quantité de ces plastiques à l'océan. Et cette quantité, elle est relativement bien connue, c'est dans les 10 millions de tonnes par an. Pourtant, ce qu'apportent les rivières à l'océan est beaucoup plus qu'on retrouve à la surface de l'océan. Et ça crée un certain paradoxe ces dernières années. Et on a tous commencé à explorer où peuvent être ces plastiques et microplastiques apportés par les rivières à l'océan. Donc évidemment, il y a plusieurs options. Ça peut être sédimenter à l'intérieur de l'océan, les eaux profondes, même sédimenter vers les sédiments côtiers ou encore les sédiments profonds. Ça peut se retrouver sur les plages. Mais ce qu'on pense, nous, c'est une partie de ces plastiques à la surface de l'océan ont été émis vers l'atmosphère pour finalement se retrouver, se transporter vers les terres ou ailleurs dans les océans lointains. Et alors, Gaëlle Leroux, on va continuer à explorer ce champ-là. Effectivement, comment, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'aérosolisation finalement de ces microplastiques? Comment ces microplastiques passent-ils dans l'atmosphère? Alors, on a entendu à travers les travaux de Charlotte Lefebvre qu'il y en a un certain nombre qui sont émis directement par l'industrie ou par la pollution urbaine ou par la pollution agricole d'ailleurs. Mais les autres, d'où viennent-ils finalement? Puisque à l'origine, ces microplastiques, la plupart d'entre eux viennent de macroplastiques et ce sont ce que vous avez décrit tout à l'heure, à savoir les plastiques à usage unique, les bouteilles, etc. etc. Oui, alors contrairement à une des sources principales quand même de microplastiques dans l'océan sont les microplastiques qui n'ont pas encore été traités ou aussi les paillettes, les microplastiques qui sont utilisés dans l'industrie parce qu'on utilise des microplastiques primaires directement dans l'industrie et parfois ils sont mal gérés et ils se retrouvent directement dans l'océan. On les utilise pour quoi par exemple ? Alors par exemple, là je vais vous donner l'exemple, dans les Landes, on utilise des microplastiques dans les stations d'épuration pour comme des niches, des habitats à microbes, à bactéries pour accélérer les processus de biodégradation dans les stations d'épuration. Et parfois, ces stations d'épuration souffrent d'inondations. Et lorsqu'il y a des inondations, une partie des microplastiques qui sont autour de quelques millimètres ou des fois, c'est des fragments de centimètres, se retrouvent dans les rivières des Landes et via les courants côtiers, après, se retrouvent dans les plages. Donc, on a des sources de microplastiques primaires dans les océans qui ont pour origine en fait des granulés, des microplastiques spécifiques qui sont eux utilisés dans l'industrie ou dans le traitement des eaux par exemple. Dans le traitement des eaux, c'est ce qu'on peut retrouver dans les Landes. Et donc on a ces microplastiques qui vont être concentrés sur les côtes. Ces microplastiques aussi en partie flotte, parce que l'eau de mer est relativement dense et donc une partie des microplastiques, une partie des composés, des polymères sont plus légers que l'eau de mer, vont rester en surface, vont être fragmentés mécaniquement et aussi du fait du rayonnement UV. Donc ils vont se désintégrer en plus petites particules qui sont, elles, susceptibles d'être émis dans l'atmosphère par les embruns marins via les aérosols et ce en particulier lors des tempêtes. Et donc, une de nos études avec nos collègues écossais, avec Jeroen, a montré à Mimizan, donc dans les Landes de nouveau, que lorsqu'il y avait des tempêtes, on retrouvait plus de microplastiques de particules par mètre cube que par temps calme. Ce qui montrait l'importance des tempêtes et de la, ce que vous disiez, la réémission par les embruns marins dans les endroits côtiers. Et c'est pas négligeable. Par exemple, pour les modèles atmosphériques actuels, on montre qu'il y a une dizaine de pourcents des microplastiques atmosphériques qui sont présents dans l'atmosphère à l'échelle terrestre, qui sont réémis par les océans. Donc, on a vraiment un retour à l'envoyeur de notre pollution dans l'atmosphère. Et ça, c'est très intéressant. Mais ça pose aussi de nombreuses questions, puisque, comme je le disais, à la surface des océans, les microplastiques sont susceptibles d'être intégrés de manière plus rapide à cause des UV, à cause de la désintégration mécanique. Mais c'est aussi le cas dans l'atmosphère, et en particulier dans la haute atmosphère, où le rayonnement UV va être bien plus important. Et donc là, on arrive à une désintégration de ces microplastiques, dont de la taille de la dizaine de microns, centaines de microns, à des microplastiques qui vont se désintégrer en nanoplastiques. Et là, les nanoplastiques, c'est la grande inconnue. On a très très peu d'études sur les nanoplastiques dans l'atmosphère. Vous avez publié ces travaux hein, dans une étude publiée en 2020 dans Plus One. On va mettre le lien sur notre fil Twitter si vous, les auditrices et les auditeurs veulent s'y référer directement. Et du coup, la suite du cycle, Jeroen Sonke, on a donc, on voit bien hein, les macroplastiques, les microplastiques qui passent dans les rivières, ça arrive dans l'océan, tout ça est dégradé par la force mécanique, par les UV, ça repasse dans l'atmosphère, et puis de l'atmosphère, la suite du cycle, Jeroen Sonke. Oui, donc vous voyez bien, ces dernières années, on a surtout fait notre échantillonnage dans la région, ou dans le midi de la France en tout cas, et donc là on a envie de véritablement explorer et cartographier les concentrations des microplastiques dans l'atmosphère à travers la planète. Donc l'Agence nationale de recherche nous a financé un projet qui a démarré l'année dernière, 2021, dans lequel on va échantillonner les microplastiques dans l'atmosphère au-dessus les terres et les océans dans les quatre coins du monde. Donc ça va inclure le site Concordia en Antarctique, qui est opéré par les Français et les Italiens, jusqu'aux Andes, jusqu'au pôle Nord ou encore l'Himalaya. Dans le but de fournir des observations qui, derrière, permettent les modélisateurs de développer des modèles des microplastiques à l'échelle de la planète, tout ça pour mieux comprendre, finalement, le cycle de vie, à la fois à travers les rivières vers l'océan, mais de l'océan vers l'atmosphère et de l'atmosphère, probablement, vers tous les sols terrestres. Mmh. Oui, et puis alors du coup, ce cycle-là qui est maintenant bien décrit pose une question, Gaël Leroux, c'est combien de temps un microplastique va opérer ce cycle, c'est-à-dire de la Terre, de la Terre via les organismes vivants, puis le cycle de l'eau, puis l'atmosphère, puis les pluies, etc. Et c'est, je crois, l'un des angles morts hein, pour le moment des études, c'est qu'on ne connaît pas l'âge de ces microplastiques, et notamment de ceux que vous avez retrouvés dans l'atmosphère au pic du midi. Non, c'est ça qui est un petit peu problématique par rapport à des particules comme par exemple les poussières sahariennes qui vont relativement peu se désintégrer lors de leur transport dans l'air. Là, les microplastiques, eux, se désintègrent. On est dans un processus dynamique avec, comme l'a dit aussi l'intervenante précédente, on a différents types de plastiques, donc différentes compositions, différentes façons de se désintégrer dans l'atmosphère. Et donc, on a des temps de résidence pour chaque type de plastique qui est différent. Et ce qui est problématique, parce que la production de plastique augmente de façon exponentielle. Elle va tripler sûrement d'ici 2050, voire plus. Et donc, on a... Comme on gère très mal les déchets, on va aussi avoir des déchets qui vont aussi tripler, voire quadrupler d'ici 2050. Et on peut imaginer que les plastiques qu'on mesure actuellement dans l'air sont des plastiques qui ont été mis il y a plusieurs années. Et donc on ne sait pas quel va être le devenir des plastiques et des déchets qu'on génère actuellement. Et ça, c'est tout l'enjeu des recherches actuelles. Et d'autant plus, comme je le disais, quand même, c'est quand même un des points importants, c'est qu'on a cette zone d'ombre sur les nanoplastiques qui sont très difficilement quantifiables. Et donc, on a juste la part visible de l'iceberg avec les microplastiques, hein, parce que si on regarde la distribution des microplastiques en fonction de leur taille, plus on va à des microplastiques petits, plus on en observe. Donc on imagine que les nanoplastiques, qui sont difficilement observables, eh ben, ils sont encore beaucoup plus nombreux. Il reste évidemment deux questions. La première, c'est de se dire que si on est à ce niveau-là de contamination, ou dans tout cas d'un cycle à l'échelle planétaire qui couvre littéralement toutes les zones de la planète, y compris les plus reculées, comment faire pour s'en débarrasser? C'est une question sans réponse pour le moment, Jérôme Sonke. D'une certaine façon, oui, c'est... Oui, mais pourtant, on peut faire beaucoup mieux en termes de recyclage, de remplacement des polymères par d'autres produits. Je pense qu'il y a 50 ans, il y a 100 ans, on vivait bien sans avoir accès aux polymères dans finalement tout ce qui nous entoure. Quand on est à la maison, on a la moquette, les rideaux, le canapé, on est habillé en polymères finalement. On est vraiment accro à ça. Et c'est-à-dire vraiment... utilité pour ça, je pense qu'on peut remplacer énormément de produits. Tout cela dit, en termes d'emballage, d'hygiène, les polymères, c'est vrai, on fait beaucoup de bien aussi pour l'homme. Et avec des pays en développement qui se développent les prochaines décennies, ils vont vouloir accès à tout ce type d'application et bonne chose. Donc, c'est une question complexe et ça va être difficile de décrocher de l'utilisation des plastiques. Gaëlle Leroux, l'autre question évidemment centrale, c'est les effets sur la santé. Là aussi, il y a quand même vraiment beaucoup de points d'interrogation, et notamment sur ces fameux nanoplastiques, puisqu'on passe à des échelles où ces nanoplastiques peuvent rentrer, même si, vous le disiez tout à l'heure, c'est 1% des microplastiques que nous ingérons qui ne font que transiter par nous. Il y a tout de même 1% qui vont passer dans notre organisme. Alors, quelles sont les conséquences? On sait que ces microplastiques, si on connaît en tout cas les interactions des microplastiques eux-mêmes avec les cellules organiques, celles des additifs qui sont très nombreux pour la couleur, la texture, etc., sont beaucoup moins connues, sans parler des effets cocktails. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Quelle est la littérature scientifique dont on dispose à ce propos? Alors, les microplastiques et les nanoplastiques relarguent des contaminants organiques qui sont déjà connus pour leur nocivité. Ils relarguent aussi des métaux parce qu'ils sont des vecteurs, des éponges à polluants. Donc, ils peuvent aussi, et là, si on parle plus spécifiquement des microplastiques atmosphériques, le thème de l'émission d'aujourd'hui, il y a deux aspects qui sont importants. Le premier, c'est qu'ils peuvent être des vecteurs, comme je disais, de polluants, mais aussi de pathogènes, parce que la vie est relativement, les microbes, les virus sont relativement amis avec le plastique, et donc ça leur sert de vecteur de transport. Et le deuxième aspect, et on en parlait, c'était les fibres. Les fibres, on sait qu'elles ont un impact mécanique néfaste lorsqu'elles sont intégrées dans les poumons. Et depuis déjà une vingtaine d'années, les médecins, les docteurs qui travaillent sur entomologie alertent déjà sur le fait qu'il n'y a pas seulement des fibres atmosphériques de type amiante, mais il y a aussi des fibres synthétiques qui peuvent avoir un impact relativement similaire. Alors, la biodégradabilité des plastiques est plus rapide et donc que des minéraux comme l'amiante. Donc ça, ce qui fait qu'on observe moins ce type d'impact nocif sur les poumons. Mais de plus en plus d'études montrent que ces particules et surtout ces fibres ont un impact néfaste sur les poumons et surtout le devenir en termes de nanoplastiques et donc après d'incorporation par les cellules, par le vivant est méconnu. Mmh. Et je voulais aussi mentionner comme un point important, c'est le rôle des plastiques sur des écosystèmes éloignés, comme vous le disiez, reculés. Ces écosystèmes-là, ils n'ont pas trop vu la main de l'homme et là, ils le voient clairement à cause des plastiques. Et ces plastiques, c'est un apport de matériel exogène qui va modifier les écosystèmes, qui va modifier les niches écologiques, par exemple. Et puis, un mot peut-être de conclusion également, ces microplastiques atmosphériques, ils ont une conséquence sur le climat et sur la météo, sur les deux de façon générale, puisqu'on sait que les nuages, l'humidité atmosphérique a besoin justement de microparticules pour se former, donc ça veut dire peut-être plus de nuages, en tout cas, là aussi, des dérèglements, peut-être marginaux, mais néanmoins des dérèglements dont on ne mesure pas tout à fait l'ampleur, Gaëlle Leroux. Alors, Il existe une publication qui a été publiée dans Nature récemment qui quantifie le rôle de ces nouveaux aérosols que sont les microplastiques. Alors le rôle actuel est négligeable, mais de nouveau, comme on le disait tout à l'heure, on ne sait pas trop le temps de résidence et le temps que vont mettre les plastiques et les mauvais plastiques qui sont les déchets plastiques qui sont générés actuellement, combien de temps ils vont mettre pour arriver dans l'atmosphère. Et donc si actuellement la part des plastiques dans les particules, les aérosols, est négligeable en termes de changement climatique, il est possible qu'en 2050, en 2100, lorsqu'on aura généré beaucoup plus de déchets plastiques et donc beaucoup plus de particules plastiques dans l'atmosphère, il y ait un impact. Et donc c'était tout l'intérêt de cette étude, d'essayer de quantifier l'impact sur le climat de ces particules, qui est actuellement négligeable ou non quantifiable, mais qui pourrait potentiellement l'être d'ici une vingtaine, trentaine d'années. Un mot de conclusion, Jérôme Sonque, la suite de vos travaux, maintenant que vous avez établi cette pollution aux microparticules de plastique atmosphérique, sur quoi travaillez-vous? Ben, comme j'expliquais, on est en train de cartographier donc ce cycle atmosphérique pour, au-delà, mieux comprendre l'ensemble du cycle de vie des plastiques. Et donc, ça, c'est un travail de base, un travail fondamental, une description de ce cycle. Et une fois qu'on a bien compris les échanges entre terre, atmosphère et océan, c'est des données de base que les toxicologues ont besoin pour vraiment comprendre l'impact des microplastiques et plus tard les nanoplastiques sur les organismes. Merci beaucoup, en tout cas tous les deux. Merci Jérôme Sonque, merci Gaël Leroux d'être venu nous parler de ces microplastiques atmosphériques. Vous pouvez retrouver l'intégralité des liens et des articles comme chaque jour sur notre fil Twitter @laméthodefc. La méthode scientifique, c'est Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Natacha Triou, Céline Lausanne, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et aujourd'hui Grégory Wallon à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, vous le savez, c'est en podcast sur l'application Radio France, sur le site France Culture.fr et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.